Donc, on passera juste après avec cette petite émission gérée par Doris qui va interviewer tous les jours Vincent Deroguin, qui s'occupe de, entre autres, de la librairie du festival, où on pourra dénicher plein de perles précieuses de livres sur la musique, sur l'art sonore, sur la composition, le paysage musical et tout ça, et des disques. Et pour le moment, Doris est encore à Bruxelles parce qu'il y a encore école. Et donc, nous avons fait cette première petite interview à distance hier. Mais à partir de demain, elle sera avec nous durant le festival. Et donc, on peut lancer... Exactement. On va écouter ça. Ok. Bonjour Vincent. Salut Doris. Bonjour Doris. Alors... Pendant 10 jours du festival Archipel, tu vas nous présenter des livres et des vinyles. J'ai présenté beaucoup plus de livres que de vinyles, et il y aura quelques CD aussi, mais c'est vraiment majoritairement des livres. Et tu seras dans le festival ? Je serai au milieu du festival, ouais, on ne peut pas faire plus central, je serai dans une... pièce, une grande salle, un hall même carrément, qui s'appelle la Salle des Pas Perdus, enfin qui a été nommée par l'équipe d'Archipel Salle des Pas Perdus, et qui se trouve tout droit dès qu'on rentre dans la salle, dans la maison communale de Plainpalais. On va tout droit et au fond, devant la grande baie vitrée, je serai là. D'accord. Et toi, tu vas jouer ? Oui, en plus de ça, moi je participe en tant que musicien et compositeur au festival, invité par le festival à présenter une pièce électroacoustique que j'ai composée spécialement pour le festival, qui était une commande pour le salon d'écoute, pour la grande pièce qui est le Théâtre Pitof au premier étage, dans lequel a été installé un orchestre d'haut-parleurs, un acousmonium. Je ne sais pas combien d'haut-parleurs il y a cette année, mais ça fait beaucoup. Je pense que c'est plutôt 60, 80 peut-être haut-parleurs. Et voilà. Et chaque son est plus ou moins mis dans un haut-parleur et les sons tournent. Enfin, c'est une expérience d'espace assez particulière. D'accord. Et tu vas nous présenter quoi comme sorte de livre ? Alors, les livres, cette année, c'est la suite de ce que j'avais présenté l'année dernière, mais il y en aura beaucoup plus. Il y aura, je pense, pour les rares personnes qui ont été présentes l'année dernière, je pense cette année, il y a 4 ou 5 fois plus que l'année dernière. Et c'est beaucoup de livres en lien avec la programmation du festival, mais pas que. Il y aura des livres en français, en anglais, quelques livres en allemand, il y a des revues, et tout tourne évidemment autour de la musique contemporaine, la musique expérimentale, la musique bizarre, brutiste, plus ou moins avant-gardiste, des livres historiques, mais aussi des choses de compositeurs et compositrices actuels. Et j'ai spécialement sélectionné des livres de certains éditeurs qui sont chers pour moi et qui sont en l'occurrence par exemple un éditeur allemand qui s'appelle Musik Texte et qui présente en fait les écrits complets de différents compositeurs et compositrices, et c'est des très jolis livres, mais c'est des livres de texte. Il y a assez peu de livres d'images, par exemple, c'est vraiment beaucoup de textes. C'est un peu voilà, c'est des livres qui sont pas forcément faciles d'accès, je dirais, en général. Alors, tu sélectionnes tes livres, où est-ce que tu les trouves ? Alors, les livres, ils sont trouvés un peu aux quatre coins de l'Occident, en Europe et aux États-Unis notamment, et je prends contact avec les éditeurs, parfois avec des distributeurs qui sont l'étape de la chaîne entre les magasins et les éditeurs. Il y a le distributeur souvent, mais des fois je contacte les éditeurs directement parce que c'est des maisons d'édition qui sont à très petit tirage avec des des petites quantités de livres. Et des fois, ils n'ont pas de distributeur officiel en Europe. Alors du coup, je les contacte directement et je fais venir les livres d'Allemagne, d'Autriche, de Belgique, de France, d'Angleterre et des États-Unis. Et après, les États-Unis, ça fait très cher à envoyer par la poste. C'est aussi pour ça qu'on les trouve assez peu, ces livres en Europe. Et je pense que sur le stand, il y aura, à la librairie, il y aura beaucoup de choses qui ne sont pas forcément très connues ou c'est des choses un peu plus rares. Donc, je me réjouis beaucoup de les présenter. Alors, tu vas tenir une librairie. Les gens, ils pourront venir acheter des livres. Oui, les gens pourront venir acheter des livres. Ils peuvent aussi me poser des questions. Je peux aussi les conseiller par rapport à leur choix. Et que dire d'autre ? Il y aura des revues également. Et j'espère que les gens pourront aussi un peu se poser autour de la table et potentiellement un peu lire des choses. C'est des ouvrages qu'il faut prendre en main et aussi un peu consulter. Ce n'est pas des choses qui sont censées rester dans leur cellophane. Et j'espère qu'il y aura un peu d'activité autour de la librairie, autre que quelques barbus intrigués. Oui, et je voulais aussi signaler qu'on aura quelques éditeurs plus locaux, notamment les éditions Contrechamp, qui est un éditeur genevois de musique, de livres autour de la musique contemporaine et de livres théoriques beaucoup, et les éditions Héros Limites, qui sont connues dans le paysage littéraire et culturel genevois, et qui ont publié beaucoup de livres qui ont trait un peu à la musique proche ou loin, ou à la poésie. Et donc il y aura aussi une sélection de poésie, de livres de poésie, et Alain Berset, qui est l'éditeur des Héros Limites, sera aussi au stand quelques jours pendant le festival. Oui, et Doris, donne-moi quelques informations sur toi. Est-ce que tu arrives à te présenter un peu? Alors moi je m'appelle Doris, j'ai 11 ans, j'habite à Bruxelles en Belgique et je viens au festival Archipel pour t'interviewer pendant les 10 jours du festival et j'ai vraiment hâte et ça va être génial. Vincent de Roguin, les livres qu'il trouve bien. Voilà un petit aperçu de ce que vous attend à la librairie du Festival Archipel. Donc tous les jours, on aura notre mini-journaliste Doris qui va interroger Vincent sur le stand. Donc chaque jour, on découvre d'un livre ou d'un disque. Donc tous les jours, la matinale de Archi Radio de 10 à 13 heures sera composée donc par ces petites enquêtes de Doris, des invités du jour du festival, tous les jours des invités différents, un documentaire réalisé par l'équipe de Archi Radio, un documentaire autour du festival, sur le festival ou avec le festival. Notre jeu mystérieux, le son mystère sur lequel vous pourrez gagner. Si vous en devinez le son, vous gagnez une place au concert du soir. Il y a d'ailleurs eu une petite erreur tout à l'heure. En fait, l'horaire pour jouer au jeu du son mystère est 11h10. Donc appelez-nous à 11h10. À partir de 11h10, exactement. Puis après le son mystère, on aura une série tous les jours de Tutto Sonic par Jérémy Chevalier. Que ça va être, comme le dit le titre, on peut en tout haut sur l'histoire du son, l'histoire de la musique. Bah, on se laissera surprendre par Jérémy. On aura une petite capsule de rendez-vous mystère où il y aura spontanément des invités qui tournent autour du festival et une partie finale avec les objets sonores par Patrice Caillé et Jérôme Poré qui seront là durant tout le festival avec un stand à côté de celui de Vincent de Roguin où ils seront là pour nous présenter des objets audiophoniques. Ils seront là à partir de demain pour nous expliquer un peu mieux ce qu'est un objet audiophonique. Apparemment, c'est aussi du glanage d'objets audiophoniques. Donc, il y a un grand marché aux puces aussi à Genève. Je pense qu'ils feront ça. Donc, on a des trucs potentiellement inédits. Et on terminera tous les jours entre midi et 13h avec la connexion avec le salon du salon Partage d'écoute. C'est Partage d'écoute, exactement. Partage d'écoute. Donc chaque jour, vous pouvez le voir sur le programme, il y aura un invité au festival qui nous partagera ses musiques favoris ou moins favoris. Donc pour aujourd'hui, il n'y aura pas un vrai partage d'écoute depuis le salon, mais on va aussi nous-mêmes piocher dans la librairie de Vincent Deroguin et donc vous partager ces petites découvertes. Et ce qu'il faut dire, c'est qu'il y a une discussion aussi autour de tous ces partages avec Marie ou Denis et l'artiste ou la personne invitée. Tout à fait, oui, exactement. Il n'y aura pas que de la musique entre midi et 13h, mais il y aura un peu un talk, une présentation de ces musiques.